Des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la place Venceslas pour appeler le gouvernement à démissionner en raison d'une inflation élevée et de la hausse du coût de la vie, ainsi que pour exiger une sortie de l'OTAN et de l'Union européenne à Prague samedi. Des images montrent des participants agitant des drapeaux russes et tchèques, tenant des banderoles indiquant « La République tchèque passe en premier, arrêtez le gouvernement, arrêtez le meurtre » et d'autres slogans. La manifestation était organisée par un militant tchèque, Ladislav Vrabel, qui a été vu en train de parler à un policier avant le début du rassemblement. S'adressant aux manifestants depuis la scène, Vrabel a fait quelques remarques sur le régime actuel. Je veux montrer et dire que le régime actuel est bien pire à sa naissance qu'il n'était avant qu'il ne s'effondre, a-t-il déclaré. Et vous, le peuple, qui êtes venu aujourd'hui protester contre l'entrée des troupes étrangères sur le territoire de la République tchèque, est donc le plus grand héros de la nation. Seriez pour moi l'élite de cette nation, a-t-il poursuivi. Les manifestants accompagnés de policiers ont marché jusqu'à la place de la vieille ville, d'où ils ont traversé le pont Charles jusqu'aux ambassades serbes et américaines. Afrique Média, le monde, c'est nous.